voici, la fille au teint bruni, la voici, celle qui parle sans décembre romanie, la voici. Mon pays, c'est le ciel infini, mon logis, une rue lentour devant, chante un chant d'oubli, sans répit, jour et nuit, fille des champs, fille des bois, qui les serrons de la tribu chante la foi, c'est la Tingarella, ce nom ne me va mieux que nous de baptême. Tingarella, c'est la fleur libre et sauvage de Bohème, comme une bestiole. Je m'en vais au chant des cigales, vers la belle escale, des Saintes Marie où dort notre Sara, là-bas, tout là-bas. C'est la Tingarella, je provoque les galants avec audace. Mais mon cœur est de glace, faites place sur le chemin, c'est la Tingarella qui passe. Gloire à toi, gloire à toi, ma belle souveraine, qui partage nos joies. On me dit, vraie fille de bandit, on me dit, sorcière au mauvais sort, je tente au vent, maudit, mon défi. Pour certains, ma bouche est un venin, pour certains, je ne suis rien qu'une voleuse de chemin. Quand ton grain, les larcins, ce cœur pervers, ce sauvage, cet ennemi que vous craignez comme un démon, c'est la vie.